Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure d'explorer les savoirs et connaissances avec Futur Simple. Aujourd'hui, à l'émission, il sera question des ondes gravitationnelles. Depuis la première observation en 2015, les observations se sont succédées et ouvrent une nouvelle fenêtre sur notre compréhension de l'univers. On en parle donc à 18h30 avec l'astrophysicien Jean-René Roy. Et pour l'instant, on va rester bien sur Terre, chez nous, au Québec, pour s'intéresser à l'épineuse question de la conservation des espèces. Et je suis pour cela en compagnie d'André Desrochers, qui est professeur en écologie. Alors, je vais le laisser se présenter lui-même parce que j'ai oublié de réécrire sur ma feuille son titre exact. En tout cas, à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour Valérie. Alors, je vais vous laisser dire votre titre exact parce que manifestement, j'ai oublié de le remarquer précisément. Ça couvre très large l'écologie, donc je pense que c'est suffisant, mais je fais beaucoup de conservation, en fait, de la faune aussi. Et de la modélisation et toutes sortes de trucs. Voilà, et tout ça au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Voilà. Merci beaucoup, André. Alors, puis d'ailleurs, ce n'est pas votre première présence à l'émission. Vous êtes déjà venu nous parler plusieurs fois, généralement des oiseaux. Alors aujourd'hui, on va parler aussi d'un petit oiseau, la griffe de Bicknell, mais on va aussi parler du caribou forestier. Donc, à propos de ces espèces menacées, donc on va parler, comme je disais, du caribou forestier dans le massif de Charlevoix, de la griffe de Bicknell. Et ben, je propose que vous nous fassiez d'abord une petite présentation de ces espèces. On va commencer par le caribou forestier qu'on connaît quand même un petit peu mieux que la griffe de Bicknell, mais qu'on connaît peut-être pas entièrement bien. Il y a le caribou forestier, le caribou toundrique, montagnard. Donc, comment ça se démêle un petit peu tout ça, ces caribous? Ouais, même moi, j'en perds mon latin parfois, littéralement d'ailleurs, parce que tout ça se traduit dans une nomenclature scientifique qui utilise le latin ou le grec. Mais à la base, le caribou, il faut retenir que c'est une espèce qui inclut toutes sortes de choses, incluant les rennes du Père Noël en Finlande, le caribou migrateur du nord du Québec, voilà. Le caribou plus au sud, donc près de chez nous, forestier, qui lui-même se divise en sous-groupes qu'on appelle des écotypes, le caribou de Gaspésie, montagnard, là. Forestier, puis il y a aussi des populations même à l'intérieur de ces sous-groupes, comme la population de Val-d'Or, la population de Charlevoix. Les Hardes de Val-d'Or, c'est voilà, ça. Qui sont des petits groupes d'individus, dans le fond. Puis voilà, et je saute tout ce qui se passe dans l'Ouest canadien, où là, il y a d'autres variétés de caribous aussi. Mais ce sont tous et une seule espèce, tout ça. C'est Rangifère tarandus, et on rajoute des mots après le tarandus, là, pour dénommer les variétés les différents géographiques. Les écotypes ou populations, d'accord. Donc là, on parle du caribou qu'on trouve dans le massif de Charlevoix. Est-ce qu'il... on dit qu'il y en a de moins en moins. Est-ce qu'il y en a toujours eu? Est-ce que... quel est son état? Bon, la première, est-ce qu'il y en a toujours eu? Non. Évidemment, si on remonte très loin, la dernière glaciation, il y avait rien. Non, il y avait évidemment de la glace ici au Québec, puis il n'y avait rien d'autre au niveau biologique. Mais si on s'en tient donc au dernier siècle, les derniers 200-300 ans, mettons, il y avait des caribous forestiers dans le massif de Charlevoix. Là, on parle ici de toute la région entre les plateaux entre Québec et le Saguenay. Il y avait des caribous jusqu'il y a environ 100 ans. On a assisté donc à l'extirpation, pour prendre le mot technique, à la disparition régionale du caribou forestier de cette région, le Charlevoix. Pourquoi extirpation? C'est un terme qu'on utilise qui est moins, comment dire, final que l'extinction. On parle de l'extinction d'une espèce lorsqu'une espèce est disparue du globe complètement. Il n'y a pas de revenez-y, si on veut, là. Tandis qu'une extirpation, ça réfère à la disparition, à l'extinction locale. Locale, d'accord. Donc, par exemple, les rhinocéros ont été extirpés de certaines régions de l'Afrique, rhinocéros blancs ou noirs, mais ils ne sont pas éteints. Donc, il y a une nuance quand même importante entre les deux. Parce que l'extinction, c'est un point de non-retour. Là. Ouais, et dans le cas du caribou, on n'est pas là, là. On est très loin de là. En Laponie, hein, il y a plein de caribous, puis dans l'ouest, etc. Mais il y a eu une extirpation donc du caribou forestier dans la région de Charlevoix, dans le plateau, là, comme par exemple où on retrouve le parc des Grands Jardins actuellement. Et ça s'est produit donc dans les années 1930 à peu près, là, j'ai pas de chiffre exact. Mais et on attribue cette disparition-là à quelques causes principales, deux ou trois. Premièrement, les coupes forestières qui ont eu lieu de manière massive dans cette région-là, qui ont eu des effets secondaires, entre autres, d'attirer les orignaux et les loups, qui sont des prédateurs des orignaux, qui, selon notre connaissance actuelle, auraient pu impacter de manière démesurée les caribous, qui seraient plus vulnérables aux attaques des loups. Bon, j'irai pas plus loin que ça, parce que je vais sortir trop de ma zone de confort académique. Mais une autre cause probable aussi de la disparition, de l'extirpation donc du caribou de Charlevoix, c'est la surchasse. C'est un animal qui a été persécuté. Et donc, tout ça mis ensemble, peut-être aussi que le climat, toujours en changement, a joué à la défaveur du caribou pendant cette période-là. On ne le sait pas vraiment. Mais tout ça, donc, ça crée la tempête parfaite pour faire disparaître le caribou du massif de Charlevoix. Ça, c'était dans les années 1930 environ. Or, les biologistes du ministère à l'époque, je ne me souviens pas du nom, mais le ministère de la Faune, responsable de la Faune du Québec, du début des années 1970, fin 60 aussi, avaient décidé de réparer ce tort en introduisant le caribou à nouveau, en réintroduisant donc plutôt le caribou, en allant chercher des spécimens du Labrador. Ça, c'est la partie que le public connaît peut-être un peu vrai, moins. On n'est pas au courant. Je ne me souvenais pas de cette histoire-là. Donc, on est allé chercher des caribous au Labrador et on les a amenés en Charlevoix. Et donc, ce qu'on appelle la harde ou la population de caribous de Charlevoix, en fait, vient du Labrador. Voilà. C'est des faux caribous de Charlevoix. Okay. Mais c'est des vrais caribous néanmoins forestiers. Mais donc, on les a capturés, je crois... C'était assez épique, là, mais on est allé avec des aéronefs, on a mis des filets sur un lac ou quelques lacs, là, je me souviens pas si c'était durant l'hiver, les caribous se tiennent parfois sur les lacs gelés, et on les a poussés dans les filets, on les a capturés comme ça, un peu à la manière des cowboys, on les a ramenés en avion, en avion, et il y avait un enclos dans le secteur du lac Jacques-Cartier, je crois, où on avait conservé quelques dizaines d'individus. Et on les a acclimatés, si on veut. Et on a réussi même à les faire se reproduire. Et ensuite, donc, on les a relâchés dans la région. Et la population en question, elle a dépassé la centaine d'individus. Il y a eu un âge d'or, si on veut, du caribou introduit là, dans les massifs de Charlevoix. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années de ça, peut-être un petit peu plus. Puis, mais depuis cet âge d'or, il y a eu un déclin là, de cette population introduite, de sorte que maintenant, on a deux ou trois dizaines de caribous seulement qui restent. Oui, c'est pas beaucoup. Non, et ils sont, à ma connaissance, ils sont tous en enclos. On les a récupérés en enclos. Okay, Donc, il y a une espèce de ferme à caribous. Et si tu me demandes l'endroit, je vais être mal pris parce que je ne sais pas c'est où exactement. Je ne vous demanderai pas où ils sont. Là. Autour du lac Jacques-Cartier, j'imagine, mais bon, on pourra me corriger. Ouais. Mais voilà, donc ce sont... et là, évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces caribous-là? Est-ce qu'on fait des mesures? On prend des mesures parce que la loi, là, ça s'invite un peu dans le débat. Donc ça, c'est la présentation pour le caribou forestier. Maintenant, j'aimerais que vous nous présentiez la griffe de Bicknell, qu'on connaît un petit peu moins. Déjà, les griffes, on sait un peu moins ce que c'est. Puis en plus, de Bicknell... Je vais essayer d'être un peu plus bref. C'est envie qu'il nous reste du temps. Mais... oui, la griffe de Bicknell, donc c'est un oiseau de la famille des merles, hein, une griffe, un petit oiseau brun rayé, comme on dit, très peu connu, qui est très endémique au Québec, c'est-à-dire que il y a une partie essentielle de la population globale de l'espèce qui niche au Québec, donc durant l'été. C'est quoi la proportion des griffes qui sont québécoises, griffes de Bicknell? Peut-être un quart, un tiers, je ne sais pas, on n'a pas le nombre exact. Mais une proportion substantielle de l'espèce. Donc, autrement dit, on est responsable de manière assez majeure de cette espèce. C'est une des espèces d'oiseaux dont on est le plus responsable au niveau global au Québec. Il Il y en a aussi qui nichent dans les Appalaches jusqu'au Vermont, New Hampshire, mais ça va pas plus au sud que ça. Donc, l'essentiel de l'espèce niche près de chez nous. Et ils vont passer l'hiver dans les Grandes Antilles. Dominique républicaine en particulier. Autrefois, on imagine qu'il y en avait à Haïti, mais il y a eu beaucoup de déforestation, donc c'est problématique pour l'espèce là-bas. Et ailleurs, bon, Cuba, etc. D'accord. Donc maintenant, on va examiner un peu leur statut. Donc est-ce qu'on dit de ces espèces qu'elles sont vulnérables, qu'elles sont en déclin, qu'elles sont menacées? C'est quoi les termes? Un petit peu, il y a comme différents degrés. Donc quels sont les termes? Donc il y a vulnérable, il y a menacé. Ils n'ont pas exactement la même définition selon la loi fédérale sur les espèces menacées versus la loi provinciale sur les espèces menacées au Québec. Et parce qu'il y a un dédoublement, si on veut, au niveau des lois, là. Et on pourrait faire de la politique nationaliste, souverainiste là-dessus. On n'ira pas là. Mais, mais donc, il y a des termes comme menacés, en danger, bon, etc., vulnérables, qui sont définis dans les textes de ces lois. On prend toujours le temps de définir ces termes-là. Et les deux espèces sont classées menacées. Je crois au niveau fédéral et vulnérable au niveau provincial. J'espère pas me tromper, mais je crois bien que c'est ça. Puis on pourra me fact-checker. Les gens qui nous écoutent, qui ont accès à Google, pourraient vérifier. Mais c'est une nuance de termes qui est, je dirais, plus ou moins importante actuellement. Les espèces sont quand même listées, si on veut, dans ces deux lois-là. Du coup, on a une obligation légale de faire quelque chose pour les maintenir ou les rétablir. D'accord. Donc, il y a une obligation pour les protéger, en quelque sorte. Mais, et quand on dit qu'il faut protéger une espèce, généralement, on doit protéger l'habitat. Donc, c'est quoi l'habitat du caribou, l'habitat de la griffe de Bicknell? Est-ce que ce sont les mêmes habitats? Vous dites qu'ils sont tous les deux dans Charlevoix. Donc, est-ce que c'est le même habitat pour les deux? Voilà. Ben pour les auditeurs, c'est ça. Ben on peut se demander pourquoi on parle de ces deux espèces-là. Mais en fait, la raison, c'est qu'il y a une problématique, car l'habitat de la griffe de Bicknell, qui, d'ailleurs, est très fréquente ou, en tout cas, très concentrée dans le massif de Charlevoix, elle aussi, comme le caribou, elle n'a pas le même habitat que le caribou. Les deux habitats sont un peu contradictoires l'un avec l'autre. L'habitat du caribou, c'est des forêts, des massifs coniférien, de vieilles forêts. Puis donc de grandes et vieilles forêts. La griffe de Bicknell, ce sont des forêts en régénération, donc jeunes forêts, ou bien des sommets de collines, des endroits où les arbres ressemblent à de la jeune forêt parce qu'ils sont, comment dire, bafoués par les conditions météorologiques. Donc, on a affaire à des arbres très rabougris. Donc, la griffe de Bicknell aime les massifs de conifères, particulièrement le sapin, qui sont très denses et très courts en hauteur. Ce qui est typique, donc, des sommets de collines dans la région de Charlevoix, ben le massif de Charlevoix, on va appeler ça comme ça. Mais aussi, et ça, c'est un ingrédient supplémentaire dans la réflexion. Aussi, ces milieux-là se trouvent souvent comme conséquence des pratiques forestières. On va faire une coupe totale. Une régénération dense. Voilà. Donc, quand on fait une coupe totale, ce qu'on appelle une coupe à blanc, ben on va assister à une régénération très dense des conifères dans ces lieux-là. Et de sorte qu'une quinzaine d'années plus tard, après la coupe, on a des massifs de sapins qui sont gros comme des sapins de Noël, mais pratiquement impénétrables. Et la griffe de Bicknell adore ces milieux-là, qui sont un produit de la foresterie. Mais elle les aime juste pendant un certain temps. Au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, quand la forêt atteint 25 ou 30 ans, les griffes désertent ces milieux-là. Ces forêts sont devenues trop vieilles déjà pour la griffe de Bicknell. Alors, évidemment, si on fait des pratiques forestières, on crée de l'habitat de griffe de Bicknell, du moins 15 ans plus tard, mais on détruit de l'habitat de caribou. C'est ambigu, alors c'est compliqué. C'est un peu compliqué, parce que la loi dit protéger la griffe de Bicknell, mais elle dit aussi protéger le caribou. Mais là, on ne peut pas protéger les deux en même temps. Alors évidemment, la réponse sage à ce dilemme-là, c'est de couper la poire en deux. Mais la loi ne prescrit rien par rapport à ça. J'ai parcouru les lois récemment, puis effectivement, il n'y a pas de stipulation dans la loi qui prévoit une situation de conflit apparent entre deux espèces menacées comme ça. Mais on a peut-être une vision en silo, un peu trop en silo aussi, quand on dit qu'il faut protéger telle espèce et puis telle espèce, et sans considérer le sens du mot habitat ou la dynamique des habitats, et éventuellement, parce que cette jeune forêt que la griffe de Bicknell aime, un jour elle va devenir une forêt pour le loup. Pour le caribou, oui, pour le loup aussi, possiblement. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, il faut voir les choses évoluer dans le temps. Évidemment, les biologistes sont bien au fait de tout ça, là. Ils font des modélisations puis des projections dans l'avenir, hein. On fait des analyses de viabilité des populations, mm-hmm. c'est le terme technique pour la chose. Et on peut... Il n'y a rien qui est... Bon, on pourrait me corriger là-dessus, mais c'est très prévisible, l'évolution d'une forêt. Là. On sait mm-hmm. à quelle vitesse ça pousse, oui. puis de quoi ça va avoir l'air dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça, c'est relativement facile à modéliser. Quant à la faune, il y a d'autres choses, d'autres niveaux de complexité qui s'ajoutent, là, évidemment. Là. Il peut y avoir une maladie qui frappe l'espèce. Mm-hmm. La griffe de Minctel, par exemple, bon, elle migre, elle, au mois d'août, septembre, et la population peut être frappée par un ouragan ou quelque chose comme ça. Alors, des choses comme ça qui rendent les projections dans l'avenir très mm-hmm. difficiles, hein, pour ces espèces-là. Le caribou, c'est plus simple parce qu'il ne migre pas. Mais en tout cas, ouais. pas celui dont on parle, là, le caribou forestier. Ouais. Mais est-ce qu'il peut se déplacer comme la griffe pour aller chercher un autre habitat? Parce que la griffe, elle vole. Le caribou, c'est le forestier, là, c'est pas un migrateur. Il se déplace, mais est-ce qu'il va se déplacer ouais. au point d'aller chercher un autre habitat éventuellement? Oui, ça, c'est un problème qui a été étudié assez largement par les biologistes. C'est tout lié à la fragmentation des habitats. Mm-hmm. S'il y a une forêt, on a beau avoir 1000 hectares ou bon 10 kilomètres carrés de forêt ou 100 kilomètres carrés, si elle est fragmentée en petits fragments, isolée les uns des autres par des routes, des mm-hmm. coupes, bon, toutes sortes de choses, effectivement, ce que tu dis devient très important, là. Il y a beau y avoir 1000 kilomètres carrés d'habitat, si les trois quarts de cet habitat sont inaccessibles, ça compte pas. Mm. Alors que pour un oiseau comme la griffe de Bicknell, par ailleurs, les oiseaux sont aussi sensibles à la fragmentation, là. Ils ont beau être capables de voler. C'est périlleux pour un petit oiseau comme une griffe de Bicknell, par exemple, de traverser des grandes zones ouvertes. Parce ah que ouais. s'il arrive un faucon dans le secteur, un épervier, ça va être un zéro pour l'épervier. Puis, donc, y a un problème, je dirais, pas mécanique, mais plus psychologique pour les oiseaux. Ils ont peur de s'aventurer à découvert. Caribou, ben, il y a un risque aussi, évidemment, mais il y a quelque voilà. chose dans leur mémoire, là, ou dans leur génétique, ouais. dans leur mémoire, qui leur dit ne pas traverser les grands espaces dénudés. Oui, puis c'est une des raisons pour lesquelles il y a un chiffre qui circule beaucoup avec le caribou. 30 % on dit, dans un paysage, il devrait y avoir au moins 30 % d'habitat correct là, pour le caribou, de forêt mature. En deçà duquel... le problème de la fragmentation commence à devenir insurmontable. Mmh. Aussi, il y a sans doute autre chose dont il faut tenir compte aussi, j'imagine, pour la protection des espèces, c'est leur durée de vie, tout simplement, ou leur cycle de vie, leur capacité de reproduction. Est-ce qu'ils font un petit par année, un petit tous les 2 ans, ou trois œufs par année? Est-ce qu'ils vivent 2 ans? Est-ce qu'ils vivent 15 ans? Comment on fait pour tenir compte de ça? Ben, les modèles démographiques, les modèles de viabilité de population tiennent compte de ça, évidemment. On tient mm-hmm. compte de l'espérance de vie, de la fécondité. Le caribou, par ailleurs, est très fécond. Hein? Ah oui? Ça vit relativement longtemps, là, en tout cas, mm-hmm. du moins, de l'ordre de la décennie 20 ans ou bon, mm-hmm. 25 ans, quelque chose comme ça. La griffe de Bicknell, par contre, l'espérance de vie, c'est genre 2 ans, là, 2-3 mm-hmm. ans. C'est live fast and die young, comme on mm-hmm. dit, dans le cas de la griffe, beaucoup plus que dans le cas du caribou. Donc ça, c'est pris en compte. Puis c'est des oiseaux qui peuvent être potentiellement féconds aussi. Donc, ils peuvent produire une couvée, peut-être possiblement deux, même dans la même année, mm. amenant donc 5 ou 6 petites recrues là, à chaque année là, mm. de leur vie. Donc, on voit que ça fait quand même plusieurs facteurs dont il faut tenir compte pour la protection des espèces, que c'est compliqué parce que c'est des espèces qui ont des besoins particuliers, des cycles de vie particuliers. Donc, c'est pas facile de concilier tout ça. Et puis, en même temps, j'ai déjà entendu parler du concept d'espèce parapluie. Que donc si on protège une espèce parapluie, on va protéger l'ensemble des espèces qui vivent dans le même habitat, et que le caribou serait une espèce parapluie. Est-ce que la griffe de Bicknell est aussi une espèce parapluie? Est-ce qu'on peut regarder à ce moment-là le nombre d'espèces qui seraient protégées si on conserve l'habitat du caribou par rapport au nombre d'espèces qui seraient protégées par rapport à la griffe de Bicknell? On peut absolument le faire parce que si on connaît l'habitat d'un grand nombre d'espèces, mettons de toutes les espèces, là, puis on connaît leur habitat, bien évidemment, on peut tabuler les choses par habitat. On peut dire, bon, ben cet habitat contient 88 espèces, tel autre habitat en contient 23, mm-hmm. etc. Donc, par exemple, si l'habitat de la griffe de Bicknell n'abrite que juste une poignée d'autres espèces, ça serait moins considéré comme une espèce parapluie mm-hmm. que le caribou, mettons, si le caribou partage le même habitat que 200 ou 300 espèces. Mais moi, personnellement, je suis pas un fan du concept d'espèce parapluie parce que ça s'applique à toutes les espèces. Il y a très peu d'espèces, sinon aucune, qui ne partagent pas son habitat avec une autre espèce. Mm-hmm. Du coup, quand on protège un habitat pour une espèce particulière, on va presque assurément protéger l'habitat d'autres espèces par rebond. Alors, c'est un concept qui est plus ou moins utile quant à moi, mais je sais que mon avis ne serait pas partagé par les professionnels en général, nécessairement. Il y a des débats là-dessus. Mais dans la littérature scientifique, on débat encore de la validité, de l'utilité de ces concepts-là. Espèce indicatrice, espèce parapluie, tout ça. Et puis donc, là, on parle de la difficulté de protéger la griffe de Bicknell, le caribou forestier, dans un contexte d'industrie forestière, parce qu'on comprend bien que, bon, si on fait de l'industrie forestière, lors de la repousse, ça va favoriser la griffe de Bicknell, mais ça va être au détriment du caribou forestier. Mais dans Charlevoix, il y a quand même aussi une autre menace qui plane quand même sur les espèces, c'est les éoliennes. Donc là, est-ce qu'elles impactent plus les griffes de Bicknell? On entend dire des fois que les éoliennes et les oiseaux, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Est-ce que peut-être que ça, c'est moins dommageable pour le caribou, par contre? Oui, il faudrait qu'ils ventent très fort pour que les caribous soient frappés par les pales des éoliennes. Mais oui, il y a une chose d'ailleurs dans ça, ce qui ça me rappelle de mentionner que la griffe de Bicknell, c'est un oiseau qui aime l'altitude. Ouais. Dans les Laurentides, elle ne se retrouve que rarement en bas de 900 mètres. Donc, quand je parlais des coupes en régénération, en fait, c'est pas toutes les coupes en régénération qui vont être potentiellement bonnes pour la griffe, c'est celles qui sont en altitude. Et ça, c'est très, très clair. Les données là, appuient cette notion-là. Or, les éoliennes, comme tu le dis, ben ils sont en altitude. Ouais. On les met précisément dans ces endroits exposés qui sont souvent sur des sommets de collines, précisément l'habitat de la griffe de Bicknell. Je parlais des sommets de collines tout à l'heure, en plus des forêts en régénération. Là. Donc ça, c'est très problématique parce qu'on doit faire des infrastructures de chemin. Donc on donne accès à plein de gens, mais aussi à possiblement à des prédateurs, à ces sommets de collines qui sont sinon très inaccessibles. Puis, évidemment, on se demande, est-ce que les pales, là, donc en rotation des éoliennes, tuent des nombres importants de griffes de Bicknell ou d'autres oiseaux? La réponse à ça, je dirais, comme toute chose, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la saison. Si on est en saison de nidification, dans le cas des oiseaux, je crois pas que c'est très problématique, les pales des éoliennes, parce que les oiseaux, ils font leur business, si on veut, au ras du sol. Ils restent dans la végétation, ils vont chercher de la nourriture, ils sont sur leur nid. Ils vont pas se promener au-dessus de la canopée. Mais en migration, là, c'est une toute autre histoire. Les oiseaux peuvent voler à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Là, ils sont dans la zone dangereuse pour être frappés par des pales d'éoliennes. Et c'est très difficile d'étudier le nombre, de calculer le nombre d'oiseaux tués par des éoliennes parce que ils vont être frappés. Bon, une personne dirait, ben, allons les compter au sol le lendemain, puis on va savoir. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres espèces qui vont convoiter cette nourriture-là. Les corneilles, les oiseaux de proie, les ratons laveurs, les renards, bon, etc. Donc, le décompte là, d'animaux morts au sol va être très souvent une sous-estimation assez importante du vrai nombre d'animaux, d'oiseaux tués. C'est vrai aussi pour les chauves-souris, par ailleurs. Donc, c'est une longue réponse à la question, donc, de est-ce que ça impacte significativement les oiseaux, les éoliennes, du moins dans cette région-là. Et la réponse courte, c'est on ne le sait pas vraiment, mais on a des craintes là-dessus. Mais donc, ça veut dire que il y a à la fois l'industrie forestière, à la fois les éoliennes. Qu'est-ce qui reste comme espace pour les griffes de Bicknell? C'est ça, les endroits qui sont franchement inaccessibles, qui n'ont jamais été exploités par l'industrie forestière, il y a des sommets de collines quand même qui sont sur lesquels tu ne peux pas amener un chemin, là, où c'est excessivement coûteux. Donc, celles-là vont être à l'abri donc des pressions forestières et éoliennes. Il y en a très peu. Et là, la question, évidemment, c'est, ça peut être une bonne nouvelle d'une certaine manière, c'est est-ce qu'il y a une crise du logement? Parce que tout ça, là, ça sous-tend une idée de crise du logement. C'est dans le cas de la griffe de Bicknell, c'est-à-dire est-ce qu'il manque d'habitat? Si on réduit la quantité d'habitat de l'espèce, est-ce qu'on va du coup réduire le nombre d'individus produits? Et la réponse à ça, c'est ça dépend si la quantité d'habitat est limitante. Est-ce qu'il manque d'habitat ou est-ce qu'il manque de griffes? Mm-hmm. Et actuellement, nos recherches supportent l'idée qu'il manque de grives. Il ne manque pas d'habitat forcément. Pas à l'heure actuelle. On estime qu'il y aurait peut-être en 10 et 20% seulement de l'habitat disponible qui est utilisé par les grives. Et pourquoi donc, pourquoi il n'y a pas assez de grives pour fournir tous ces habitats-là, pour occuper tous ces habitats? La réponse est peut-être au sud, parce que là-bas, il y a des, dans les Antilles notamment, on parlait de la République dominicaine tout à l'heure, la culture de l'avocat, que j'adore et que beaucoup de monde aime, est problématique là-bas. On a un peu la même problématique que le fameux café bio, durable. Bon. Et donc, on produit de l'avocat exactement dans les zones d'hivernage de la grive de Picnel. Et actuellement, nos collègues en République dominicaine, notamment, sont bien conscients de l'enjeu, du problème. Ils sont en train d'essayer de développer avec l'industrie de l'avocat des techniques qui vont être valables qui vont maintenir un habitat viable pour l'espèce. Ah ouais, ouais. Mais en tout cas, tout ça montre bien combien c'est difficile de protéger, de considérer tous les facteurs qui peuvent porter atteinte à une espèce, que ce soit le caribou, la griffe de Bicknell ou d'autres, et que c'est pas très facile finalement de mettre en place des mesures de conservation, surtout quand éventuellement il y a quand même des industries assez puissantes quand même, qui pèse peut-être plus lourd parfois qu'une petite griffe de Bicknell. Oui, exactement. Mais ça demeure une décision politique, tout ça. Ouais. Hein? Puis la science peut aller jusqu'à un certain point, alimenter le débat, mais il arrive un point où on doit décider, par exemple, combien veut-on de griffes, combien veut-on de caribous. Ce sont des questions politiques, fondamentalement. Les scientifiques ne peuvent pas vraiment répondre à cette question, malheureusement. Mais ils peuvent nous apporter des arguments, par contre. Voilà. Ils peuvent apporter des arguments aux politiques. Alors, merci beaucoup, André, de nous avoir apporté ce recul sur la conservation des espèces. Merci à toi. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie d'André Desrochers, qui est professeur d'écologie et de conservation à l'Université Laval.